la principale gloire des amusements donnés à Versailles, qui perfectionnait en France le goût, la politesse et les talents, venait de ce qui ne dérobait rien aux travaux continuels du monarque. Sans ces travaux, il n'aurait su que tenir une cour, il n'aurait pas su régner. Et si les plaisirs magnifiques de cette cour avaient insulté à la misère du peuple, ils n'eussent été qu'odieux. Mais le même homme qui avait donné ses fêtes avait donné du pain au peuple dans la disette de 1662. Il avait fait venir des grains que les riches achetèrent à vil prix et dont il fit des dons aux pauvres familles à la porte du Louvre. Il avait remis au peuple 3 millions de tailles. Nulle partie de l'administration intérieure n'était négligée. Son gouvernement était respecté au dehors. Il était beau, après cela, de donner des fêtes. Tout cela donnait à la cour de Louis XIV un air de grandeur qui effaçait toutes les autres cours de l'Europe. Et on se piquait déjà presque partout d'imiter la cour de Louis XIV.